Dieu ne déclare pas tous les jours ses volontés par ses prophètes, touchant les rois et les monarchies qu'il élève ou qu'il détruit. Mais, l'ayant fait tant de fois dans ces grands empires dont nous venons de parler, il nous montre, par ses exemples fameux, ce qu'il fait dans tous les autres, et il apprend aux rois ces deux vérités fondamentales. Premièrement, que c'est lui qui forme les royaumes pour les donner à qui il lui plaît, et, secondement, qu'il sait les faire servir dans les temps et dans l'ordre qu'il a résolu, au dessein qu'il a sur son peuple. C'est ce qui doit tenir tous les princes dans une entière dépendance et les rendre toujours attentifs aux ordres de Dieu, afin de prêter la main à ce qu'il médite pour sa gloire dans toutes les occasions qu'il leur en présente. Mais cette suite des empires, même à la considérer plus humainement, a de grandes utilités, principalement pour les princes, puisque l'arrogance, compagne ordinaire d'une condition si éminente, est si fortement rabattue par ce spectacle. Car si les hommes apprennent à se modérer en voyant mourir les rois, combien plus seront-ils frappés en voyant mourir les royaumes même? Et où peut-on recevoir une plus belle leçon de la vanité des grandeurs humaines?